Paul, je vais à la maternité voir le petit, tu viens ? Ah non, je dois absolument acheter ma Volkswagen. Ça va, elle va pas se sauver, c'est ton neveu quand même. Parce qu'il va se sauver, le neveu peut-être ? Hein ? Il va faire comment ? Il va voler une poussette ? Ah bah non, je suis bête. Il va faire le mur en nouant ses langes. T'es tendu, toi ? Pas du tout. Si. Ne laissez pas passer votre chance. Du 14 au 18 mars, profitez du crédit 0% sur toute la gamme Volkswagen. Retrouvez cette offre dès maintenant sur Volkswagen.fr. Pour 10 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités, total dû 10 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, conditions sur Volkswagen.fr. On a fait de lui un docteur Folamour, le principal responsable de la prolifération nucléaire, l'homme qui a vendu son âme au pays voyou, pour reprendre la terminologie états-unienne. Bref, le diable en personne, un diable islamiste qui plus est. Et aussitôt derrière lui se glissait la silhouette inquiétante de Ben Laden, Ben Laden qui, un jour ou l'autre, utilisera l'arme nucléaire, propre ou sale, contre l'Occident. Tout n'est pas faux dans ces assertions. Abdul Kader Khan a réellement organisé une sorte de marché noir de l'atome. Mais il n'était pas seul. Il a bénéficié de nombreuses complicités dans son pays, le Pakistan, mais aussi à l'étranger. Et dans cette affaire, les grandes puissances sont loin d'être innocentes, même si, officiellement, elles militent pour le respect du traité de non-prolifération nucléaire et sa signature par les derniers pays qui renâclent encore, Israël, l'Inde et le Pakistan. En même temps, le club très fermé des États qui possèdent l'arme nucléaire ne cesse de s'agrandir. Si la Libye a renoncé, nous verrons avec M. X dans quelles conditions, la Corée du Nord et l'Iran semblent prêts de rejoindre le club. Et peut-être en font-ils déjà partie, clandestinement bien sûr. Grâce en particulier au redoutable Dr Khan. Quant à Israël, c'est un secret de polichinelle, l'État hébreu disposerait déjà d'une bonne centaine de bombes atomiques. Dans un instant, M. X dévoile la réalité de ce terrifiant marché de l'atome. On pouvait penser que le démantèlement de l'Empire soviétique en mettant fin à la guerre froide, donc à l'équilibre de la terreur, accoucherait d'un monde plus sûr. Ouais, je me souviens, un universitaire américain a même parlé de la fin de l'histoire. Hein. Ah oui, mais il faut bien déchanter. Jamais, sans doute, le monde n'a été aussi dangereux. Enfin, revenons un petit peu en arrière. Mmh. Tout au long de la guerre froide, et malgré des périodes de tension... La crise des fusées de Cuba, eh bien, c'est ça. Bien avant, le blocus de Berlin. Donc, malgré ces poussées de fièvre, l'Ouest et l'Est avaient appris à vivre avec leurs arsenaux atomiques et ils avaient signé des traités garantissant la paix nucléaire. En même temps, les deux camps se sont débrouillés pour juguler la prolifération. Oui, limiter le nombre de pays possédant la bombe, ouais, c'est ça. Ouais. Soit en usant d'arguments économiques, des menaces de sanctions par exemple, soit en offrant à ces pays de se placer sous leur propre parapluie nucléaire. Ça a fonctionné tant bien que mal jusqu'en 1990. Il y a quand même eu des exceptions notables. Je sais, l'Afrique du Sud ou Israël. Et l'Inde. C'est juste. Mais nous allons y revenir plus longuement dans un instant. Car la première expérience nucléaire indienne, en 1974, a sans doute scellé la fin de l'équilibre. C'est en poussant l'ennemi de toujours, le Pakistan, hein, à essayer de se doter aussi de la bombe. Évidemment. La conséquence immédiate, ça a été la contagion. Dans le monde islamique, on a assisté à une sorte de compétition. C'était à qui réussirait à construire la première bombe musulmane. Saddam Hussein s'y est essayé. Mais l'aviation israélienne, puis la première guerre du Golfe, ont ruiné ses espoirs. Quant à la Libye, malgré les rodomontades de Kadhafi, elle était très en retard, en dépit de l'aide que lui a apportée ce bon docteur Khan. Bon, enfin, n'allons pas trop vite. Il y avait longtemps, hein? Oh, bon, c'est un peu facile, non? Bon, alors, continuons, si vous voulez bien. L'Égypte, pour sa part, n'a certainement pas renoncé à posséder un jour l'arme nucléaire. Mais pour faire pièce à Israël? Bah, forcément. Puis il y a aussi la Syrie et même l'Arabie Saoudite. Et l'Iran, vous ne l'ignorez pas, est à deux doigts de fabriquer sa première bombe. Certains spécialistes pensent même que c'est déjà fait. Ce n'est pas impossible. Plus loin vers l'Est, c'est la Corée du Nord qui inquiète, car ça pourrait pousser le Japon à s'équiper. Le Japon, mais aussi Taïwan. Et on parle également de l'Indonésie. On risque donc d'assister à la fabrication de bombes régionales et à une dissémination quasi incontrôlable. En dépit des traités internationaux. Oui, car les traités, vous le savez bien, sont faits pour être tournés. Et les gendarmes du monde n'ont plus les capacités de tout contrôler. C'est aussi paradoxalement une des conséquences de la mondialisation. Les secrets nucléaires n'en sont plus, ils circulent sur Internet. Quant aux ingrédients nécessaires pour fabriquer une bombe, ils sont accessibles grâce à la perméabilité des frontières. Alors, au fond, n'importe qui pourrait se doter de l'arme nucléaire ? N'importe qui, n'exagérons pas, mais beaucoup de pays, oui. Or, c'est cela qui inquiète. Nombre de ces futurs possesseurs de la bombe atomique sont des nations fragiles. Politiquement fragiles ? Oui, des États dirigés par des dictateurs, et ce n'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que posséder la bombe, c'est aussi une question de prestige, et également le meilleur moyen de consolider son pouvoir. Ouais, et puis ça flatte le nationalisme ambiant. Naturellement. Ouais. Mais c'est grave, parce qu'on ne peut pas exclure le risque de conflagration locale, entre voisins en somme. D'autre part, chez ces puissances émergentes, comme on dit aujourd'hui, les systèmes de commandement et de contrôle ne sont pas aussi rigoureux que ceux qui existent chez les vieilles puissances nucléaires. Donc, pour résumer, on n'est pas à l'abri d'un accident, c'est ce que vous voulez dire. D'un accident ou d'un vol. Des terroristes pourraient très bien profiter de la fragilité des structures de ces pays pour dérober une bombe. Face à ce danger de la prolifération, que faire ? Il existe deux écoles. La première prône le renforcement des contrôles et le respect des traités existants. Ce n'est pas simple, car la législation internationale n'interdit nullement le nucléaire civil. Oui, et puis c'est la première étape vers le nucléaire militaire. En effet, en retraitant les barres de combustible usées, on peut produire du plutonium. Et l'utiliser dans une bombe. Et en enrichissant par centrifugation l'uranium utilisé dans les centrales, on obtient aussi la matière première d'une bombe, à condition, bien sûr, de disposer des matériels et des techniques nécessaires. Les contrôles doivent donc porter en priorité sur ces deux points. Il faut veiller à ce que le combustible nucléaire ne soit pas détourné à des fins militaires, ce que les tenants de la deuxième école jugent quasi impossible. Ah mais là, que propose cela là ? Eux ? Ils sont partisans de ce qu'on appelle aujourd'hui la contre-prolifération, et ce sont essentiellement les Américains, parce qu'ils pensent qu'il y aura toujours des pays tricheurs. Expliquez là, ça consiste en quoi là, cette contre-prolifération ? Pour cette école, la vraie question n'est pas celle des armes, mais de ceux qui les possèdent, bref. Il existe des pays qui ont le droit de posséder des armes nucléaires et d'autres à qui il faut l'interdire, y compris par la force. Comme en Irak. Exactement. Ouais. Même si après la deuxième guerre du Golfe, les Américains ont bien été obligés de constater que les Irakiens ne possédaient pas d'armes de destruction massive, ni nucléaires, ni chimiques, ni biologiques. Il n'en reste pas moins que c'est la nouvelle politique états-unienne. Il faut s'attaquer préventivement aux États dont les régimes sont mauvais. Car ce sont a priori des tricheurs qui ne respecteront jamais les traités de non-prolifération. La force contre la diplomatie. C'est ça, oui. Mais pour l'instant, il y a que l'Irak qui a été victime de cette nouvelle politique. La Corée du Nord ou l'Iran ont été menacés, mais c'est tout. Vous avez raison, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il est vrai que ces deux derniers pays sont toujours dans le collimateur de Washington. Et à la Maison-Blanche, des faucons poussent George Bush à agir contre ces deux États voyous, sans trop se soucier du cataclysme qui s'ensuivrait presque forcément. Autre objection, alors. Supposons qu'on autorise un pays jugé favorablement à posséder la bombe. Mais que se passera-t-il si son régime change, à la faveur d'un putsch, par exemple ? Ça pose en effet un sérieux problème. Mais Washington n'en a cure. C'est la contre-prolifération qui a les faveurs de la Maison-Blanche. Une politique qui a d'ailleurs un autre avantage pour les Américains. En n'interdisant pas la possibilité pour les bons États de se doter de l'arme nucléaire, les États-Unis se donnent à eux-mêmes le droit de poursuivre leurs propres études, en particulier sur les bombes miniaturisées. Au fond, vous savez à quoi ça me fait penser ? Non, je vous écoute, là, allez-y. À la législation sur les armes à feu aux États-Unis. Expliquer, c'est-à-dire ? Que disent les lobbyistes des armes à feu ? Si vous interdisez ces armes, seuls les bandits continueront à en posséder. Ah oui, et les honnêtes citoyens ne pourront plus se défendre. Et voilà. En tout cas, je pense vous avoir convaincu que cette question de la prolifération est sans doute l'une des plus préoccupantes pour le monde actuel. Et malheureusement, dans cette affaire-là, la responsabilité des puissances qui avaient déjà domestiqué le feu nucléaire est écrasante. Pour quelle raison, alors ? Elles sont multiples. Irresponsabilité, cupidité, permissivité et intérêt politique, bien entendu. Prenons le seul exemple du Pakistan, dont nous allons bientôt parler. Longtemps, Washington a fermé les yeux sur son programme nucléaire. Pourquoi ? Parce que les Pakistanais étaient les meilleurs alliés des Américains en Afghanistan. Mais parce qu'ils aidaient les Moudjahidines contre l'armée rouge dans les années 80. Hein. C'est évident. C'est par l'intermédiaire d'Islamabad que la CIA faisait passer des armes aux résistants afghans. En contrepartie, les États-Unis ont fermé les yeux sur les activités nucléaires du Pakistan. Et pourtant, la Maison-Blanche savait très bien qu'à la même époque, la Chine vendait des missiles à Islamabad. Mais comme Pékin et Washington se faisaient les yeux doux dans le dos de Moscou, les Américains n'ont pas bronché. Cependant, ne croyez pas que j'accuse uniquement les États-Unis. La France a aussi sa part de responsabilité. Le New York Times a consacré un important article à la prolifération nucléaire sous la plume de Billy Keller. Voici sa conclusion à propos des nouvelles thèses en vigueur aux États-Unis. Manifestement, Washington a raison d'affirmer que le contrôle des armements ne peut pas uniquement s'appuyer sur la sécurité illusoire des négociations, des traités et des résolutions de l'ONU. Les autocrates qui risquent d'être dangereux pour nous s'ils obtiennent des armes nucléaires sont les dirigeants les moins susceptibles de se soucier de la communauté internationale. Il faudrait un nouveau régime de contrôle qui ferait une distinction entre les menaces et proposerait une liste d'options adaptées aux dangers allant de l'inspection à la coercition. Mais qui soulignerait aussi solennellement qu'il est indispensable, en particulier de la part des États-Unis, de rétablir l'opprobre qui entourait autrefois les explosifs nucléaires. La capacité de destruction de ces armes est exceptionnelle, terrifiante, et il est presque impossible de la confiner à des objectifs militaires. Une stratégie qui ne se concentre que sur les régimes, au détriment des armes, a de nombreux défauts, dont le plus évident est le suivant. Quand les régimes changent, les armes, elles, restent. Pour le Pakistan et la question nucléaire, la date clé, c'est 1974, c'est-à-dire le premier essai nucléaire indien. Avec quelle aide, la société ? Essentiellement l'aide américaine, à travers un paravent canadien. C'est en effet le Canada qui a d'abord livré un premier réacteur de recherche à New Delhi. Mais la France n'avait pas été absente, puisqu'elle avait permis à l'Inde de construire un réacteur en tout point semblable à celui qu'elle avait fourni à Israël dans les années 60. Ah oui. Mais l'aide américaine, là, pourquoi ? En 1962, un bref conflit armé avait opposé l'Inde à la Chine. Ouais. Or, en Occident, on savait que Pékin ne tarderait pas à disposer de la bombe A, grâce aux Soviétiques. Alors, c'est ça, il fallait équilibrer. Exactement. Mmh. Et les Américains, encore seuls en Occident à maîtriser la technologie d'extraction du plutonium, ont donc décidé de donner un petit coup de pouce aux Indiens. Bon, ce qui n'a pas empêché Washington, lors de ce premier essai indien, de déplorer cet accro à la politique du désarmement. Alors, même que les États-Unis avaient signé avec l'Inde un accord de livraison d'uranium enrichi sur 30 ans. Ouais, l'hypocrisie toujours. Bien entendu. Ce premier essai a bien sûr suscité la colère et l'inquiétude chez l'ennemi de toujours, le voisin pakistanais. C'est en 1947, je vous le rappelle, que la scission de l'Empire britannique des Indes a donné naissance à l'État indien et aux deux Pakistans, celui de l'Est et celui de l'Ouest. Ouais, une scission effectuée selon des bases religieuses. Oui, oui, les hindous et les sikhs en Inde, les musulmans au Pakistan. Et ça avait donné lieu à un formidable et sanglant transfert de population suivi d'une véritable guerre. Mais enfin, passons. En 1965, un nouveau conflit éclate entre l'Inde et le Pakistan. Cette fois, il s'agit du Cachemire, un territoire frontalier que les deux États se disputent. Ça continue encore aujourd'hui. Malheureusement, oui, même si on a noté dernièrement quelques signes d'apaisement. Cette deuxième guerre est perdue par le Pakistan. Mais 6 ans plus tard, ça recommence. Et c'est particulièrement grave pour le Pakistan qui perd sa partie orientale à l'issue du conflit. Le Pakistan de l'Est devient indépendant sous le nom de Bangladesh. C'est exact. Mmh. Oui. Le Pakistan est alors un pays humilié par 3 fois par son ennemi héréditaire. Un pays qui, pour pallier son infériorité démographique par rapport à l'Inde, a développé de considérables forces militaires et consacre à sa défense une part énorme de son budget. L'essai nucléaire indien en 1974 est donc ressenti comme une nouvelle humiliation. Mmh. Mais les Pakistanais eux-mêmes, là, ne se sont-ils pas engagés dans la même voie ? Si, Ils y ont pensé, dès les années 60, mais ils étaient notablement en retard par rapport à leurs voisins, malgré une réunion en 1972 des principaux physiciens pakistanais. Réunion visant à lancer réellement un programme de recherche. Cependant, c'est vraiment en 1974 que le gouvernement d'Islamabad décide de faire de la construction d'une bombe nucléaire une priorité absolue. Et donc, tout de suite après la première expérimentation indienne. Oui, oui, le président pakistanais de l'époque, Zulfikar Ali Bhutto, déclarera même à peu près ceci: notre peuple aura sa bombe islamique, même s'il lui faut se nourrir d'herbe pour la financer. Ouais. Et Bhutto, enfin, qui était plutôt un laïc, hein, parle déjà de bombe islamique. Ah, en 1974, oui. Donc, bien avant Ben Laden et la montée de l'intégrisme musulman. Ce qui veut dire que, d'ores et déjà, le Pakistan se considère comme une sorte de phare du monde musulman. Et ça n'ira qu'en s'amplifiant, surtout quand les militaires pakistanais s'empareront du pouvoir. Alors, le Pakistan se lance dans l'aventure de la bombe. Et c'est là que nous allons trouver la France. La France. Quelle va être exactement l'intervention de notre pays? Les savants pakistanais choisissent d'abord la filière du plutonium pour concevoir une bombe atomique. Pourquoi? Parce que le Pakistan dispose déjà d'un réacteur de recherche. Un réacteur civil. Bien entendu. Par conséquent, pour produire du plutonium, il lui faut une installation capable de retraiter le combustible irradié de ce réacteur. Et dès 1974, la France propose au Pakistan de lui fournir une usine de retraitement. En sachant qu'à terme, ce que veulent les Pakistanais, hein, c'est produire du plutonium servant à fabriquer une bombe atomique. C'est certain. Bien sûr, dans les termes du contrat qui va être signé entre les deux pays, ce n'est écrit nulle part. Mais aucun chercheur digne de ce nom ne peut ignorer que le véritable objectif des Pakistanais est de se doter de l'arme nucléaire. Et pourtant on signe. Oui, telle est la triste vérité. Et je dois ajouter que l'hypocrisie dans cette affaire n'est pas le seul fait des Français. Les Américains sont parfaitement au courant et nous approuvent. À condition, nouvelle hypocrisie, que le pays acheteur, le Pakistan en l'occurrence, s'engage au terme du traité de non-prolifération à s'en tenir à des applications pacifiques et accepte de se soumettre à des contrôles de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pourquoi ce soutien des Américains? Parce que le Pakistan est déjà l'un des meilleurs alliés des États-Unis dans la région. Toutefois, Washington, qui a aidé l'Inde à se doter de l'arme nucléaire, éprouve quelques scrupules à participer à l'élaboration de la première bombe pakistanaise. Ah oui, je vois. Par conséquent, les Américains nous repassent le flambeau. En toute connaissance de cause, oui, c'est parfaitement exact. Et nous ne rechignons pas, bien au contraire. Selon le contrat que nous signons, nous nous engageons à produire plusieurs dizaines de kilos de plutonium par an. Ce qui est largement suffisant pour envisager la construction d'une bombe à... C'est certain, oui. Mais soudain, en 1976, les États-Unis font marche arrière et dénoncent le contrat passé entre la France et le Pakistan. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle raison, là? Une raison purement américaine, si j'ose dire. Je vous explique. Au cours de l'été 1976, c'est-à-dire en pleine campagne présidentielle, sous la pression du Congrès, la politique américaine change. La politique en matière nucléaire. Oui, oui. Et les parlementaires qui ont pris conscience des dangers de la prolifération, surtout après le premier essai indien, exigent que désormais toute assistance économique ou militaire à l'étranger soit subordonnée à des contrôles stricts. Et s'il y a soupçon de volonté de fabrication d'armes nucléaires, cette aide doit cesser immédiatement. Oui, d'accord, mais enfin, c'est la France qui a passé un contrat avec le Pakistan et n'est donc pas concernée par ce changement de la législation américaine. Oui, vous avez raison. Et face aux pressions des États-Unis, Jacques Chirac, alors Premier ministre, ne se prive pas de le dire publiquement, et même avec une certaine rudesse. Et parce que les Américains demandent effectivement aux Français de rompre leur contrat passé avec les Pakistanais. Effectivement. Et le président Giscard d'Estaing finira par céder à la fin de l'année 1976. Mais enfin, tout cela, pardonnez-moi l'expression, c'est du pipeau. C'est du pipeau, c'est-à-dire... Pour rassurer le Congrès, le gouvernement américain est obligé de demander à Paris de renoncer à construire son usine de retraitement au Pakistan. Et les autorités françaises, pour ne pas mécontenter trop longtemps ce grand allié états-unien, acceptent ces injonctions après avoir résisté pendant quelques mois. Mais en réalité, il n'en est rien. La France, en parfait accord avec les États-Unis, va continuer à fournir une assistance matérielle au Pakistan. Simplement, cette coopération sera plus discrète. Ouais, donc tout le monde est content, c'est ça? Les Américains respectent la promesse qu'ils ont faite aux Pakistanais, tout en apparaissant comme de farouches défenseurs de la non-prolifération. Et puis les Français ont montré, eux aussi, leur apparente volonté de ne pas contribuer à la prolifération nucléaire. Ouais, tout en continuant à faire de fructueuses affaires. Évidemment, et tenez-vous bien. C'est en 1978, c'est-à-dire quand l'usine de retraitement sera achevée, que la France annoncera officiellement avoir rompu son contrat avec le Pakistan. Oui, alors effectivement, quand vous parliez d'hypocrisie... N'est-ce pas ? C'est pourquoi je vous ai dit que les grandes puissances, celles qui étaient déjà dotées de l'arme nucléaire, portaient une large responsabilité dans la dissémination. La meilleure preuve, c'est que les Américains, malgré les amendements votés au Congrès, n'ont jamais vraiment appliqué les sanctions dont ils ont menacé les Pakistanais. Au moins jusqu'au moment où l'armée rouge a évacué l'Afghanistan. C'est-à-dire au moment où les États-Unis avaient moins besoin du Pakistan. Et où ils se sont rendus compte qu'ils avaient joué aux apprentis sorciers. J'ai trouvé une confirmation de la coopération française avec le Pakistan dans le livre très documenté de Dominique Lorenz, Affaires atomiques, un livre publié par les éditions des Arènes. L'auteur y écrit. Islamabad fut ainsi doté de son installation de production de combustible atomique, tout en demeurant officiellement dépourvu. Au cours de l'automne 1976, le gouvernement français, sans alors oser l'écrire, intima l'ordre à Saint-Gobain Nucléaire de suspendre l'exécution de son contrat au Pakistan. La nouvelle de la reddition française aux arguments de la Maison-Blanche, honteuse car en parfaite contradiction avec les discours officiels des responsables parisiens, ne pouvait être rendue publique. Elle fut donc tue. Ce silence était également nécessaire à la mise en place de la solution américaine. Le contrat était suspendu, mais il n'était pas résilié. Les Français fournirent donc aux Pakistanais les plans de l'usine d'extraction du plutonium et quelques équipements spécifiques. Les Pakistanais entreprirent alors la construction de leur usine avec l'assistance informelle des Canadiens. Deux ans plus tard, en 1978, les envois d'équipements sensibles furent suspendus par les autorités françaises. L'usine pakistanaise était bâtie. La non-exécution du contrat fut alors rendue publique par le gouvernement français. La version officielle de l'affaire devint, en 1978, la France, après avoir courageusement résisté aux pressions américaines, abandonna son projet de construction d'une usine de retraitement au Pakistan, installation à laquelle les États-Unis, défenseurs de la non-prolifération nucléaire, étaient farouchement opposés. La France a donc permis au Pakistan de construire sa bombe. Oh, ce n'est pas si simple. Cette usine de retraitement de combustible permettait en principe aux Pakistanais de disposer du plutonium nécessaire à la fabrication d'une bombe A. À condition, bien sûr, de maîtriser la technologie nécessaire. Et les Pakistanais ne se privent pas du plaisir d'annoncer qu'ils sont désormais en mesure de construire leur bombe. Mais à Islamabad, on en voulait encore plus. Pourquoi alors ? Les Indiens, eux, grâce aux livraisons américaines d'uranium enrichi, développaient la technologie thermonucléaire. La bombe, je crois. Oui, les Pakistanais voulaient donc se hisser à tout prix au niveau de leurs voisins et ennemis. Par conséquent, à Islamabad, on veut pouvoir posséder aussi de l'uranium enrichi. Mais si on n'a pas la possibilité de l'acheter, et il y a bien peu de fournisseurs, il faut le produire. C'est compliqué, ça. Incontestablement, la centrifugation dont je vous ai parlé tout à l'heure nécessite un matériel très sophistiqué. Très coûteux aussi. Bien entendu, et c'est là que va intervenir le fameux Dr Khan. Celui qu'on présente comme le père de la bombe pakistanaise. Oui, même si, à mon avis, sa légende est surfaite. Parce qu'après tout, Abdul Khan n'est pas un savant atomiste, c'est un ingénieur en métallurgie. Et bien des mystères demeurent au sujet de sa véritable contribution à la construction de la bombe. Mais si vous le voulez bien, je reviendrai longuement sur la personnalité et les activités de cet inquiétant personnage. Auparavant, voyons la suite de l'aventure nucléaire pakistanaise. À partir donc de 1978, la France est obligée de prendre ses distances. Définitivement ? Non, à la fin des années 80, la coopération nucléaire entre notre pays et le Pakistan recommencera. Les États-Unis, sous la présidence de Jimmy Carter, sont contraints à la prudence. Et toujours à cause du Congrès, là. Oui, les parlementaires américains ont voté plusieurs amendements visant à s'opposer à la prolifération nucléaire. Et menaçant de sanctions les pays contrevenants. Toutefois, avec le Pakistan, c'était pratiquement inapplicable. Pourquoi la guerre froide ? Surtout l'offensive soviétique en Afghanistan en 1979. Dès lors, le Pakistan devient la base arrière des Moudjahidines qui luttent contre l'occupation. Et les Américains, qui vont les aider puissamment, eux et tous les combattants musulmans qui vont les rejoindre, ne peuvent pas rompre avec le Pakistan. Ce pays trouve d'ailleurs largement son compte dans cette situation. Oui, parce qu'on a déjà parlé. Hein. Le matériel américain qui transite sur son sol va parfois tout droit dans les arsenaux pakistanais. Hein. En effet, car c'est l'ISI, c'est-à-dire les services secrets pakistanais, qui distribuent ces armes aux Moudjahidines. On va quand même de côté. Mais concrètement, est-ce que la coopération nucléaire a cessé entre les États-Unis et le Pakistan ? Non. Enfin, toutefois, c'est vrai, Washington essaie de freiner Islamabad en exerçant une sorte de chantage. Si vous renoncez à fabriquer une bombe nucléaire, on vous fournira de plus en plus de matériel militaire moderne. Et ça marche ? Bah, pas vraiment. Les Pakistanais sont bien trop désireux de posséder la bombe pour céder aux sirènes américaines. Et les Américains, qui sont dans la position de demandeurs à cause de l'Afghanistan, sont pratiquement obligés de fermer les yeux. Cependant, nous en avons parlé, ils vont soudain changer d'attitude en 1989. Oui, c'est-à-dire quand les Soviétiques jettent l'éponge en Afghanistan. Oui, oui, malgré leur incontestable succès, puisqu'en obligeant Moscou à mener cette guerre coloniale, ils vont être à l'origine de l'effondrement de l'Empire soviétique. Les Américains se rendent alors compte qu'ils ont joué avec le feu. Les Pakistanais auront la bombe tôt ou tard. Et une bombe islamique. Et une bombe qui risque de faire des petits, si j'ose dire, dans d'autres pays musulmans comme l'Irak, l'Iran ou la Libye. Oui, mais pour les États-Unis, il n'est plus possible de faire marche arrière. Et non, non. Et les sanctions que les États-Unis vont enfin se décider à appliquer contre le Pakistan n'y font rien. D'autant que ce pays n'a plus vraiment besoin des Américains pour construire sa bombe. Alors, pourquoi ? Ah ben parce que Islamabad s'est trouvé d'autres alliés en matière nucléaire. La France encore ? Bon, dans une certaine mesure, oui. Une coopération limitée aux civils, en principe. Mais là encore, il faut parler d'hypocrisie, car le civil conduit très vite au militaire. Surtout dans un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération. Et n'est donc pas soumis au contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alors, les autres pays là... Bah, essentiellement la Chine. Et là, il s'agit d'une coopération presque naturelle. Ah oui, parce que les deux pays avaient le même adversaire, exactement. L'Inde. Oui, oui. Ouais. La Chine, pour des raisons évidentes, ne tenait pas à ce que l'Inde soit le seul État du sud-est asiatique à posséder l'arme nucléaire. D'autre part, très intelligemment, le Pakistan semble avoir prévu de longue date le désengagement américain. Dès le début des années 80, Islamabad signe des accords avec Pékin. Mmh. Des accords sur le nucléaire militaire, donc. Oui, et il est intéressant de noter que, là encore, la France joue indirectement un rôle. Décidément, alors expliquez. Bah, la technologie nucléaire chinoise devait beaucoup à notre pays. La Chine et la France étaient même liées par un accord de coopération. Oui, mais toujours dans le domaine civil. Ah, évidemment. Mais reprenons. En 1983, je crois, la Chine fournit au Pakistan les plans d'une bombe atomique à l'uranium enrichi. Mais encore faut-il disposer de ce combustible. C'est exact. Or, malgré les efforts du Dr Khan, la production d'uranium enrichi reste très faible et surtout très difficile. Et la Chine doit à nouveau venir au secours de son meilleur allié dans la région en lui fournissant des composants pour moderniser cette production. Quel genre de matériel exactement ? Des aimants très spéciaux destinés à guider avec une grande précision les axes des centrifugeuses. Des appareils qui tournent à une vitesse folle pour extraire l'uranium enrichi du minerai originel. Donc cette fois, les Pakistanais vont pouvoir extraire suffisamment d'uranium pour construire leur bombe. Certes, mais ils doivent provisoirement renoncer à cette filière car les États-Unis, qui n'ignorent pas grand-chose de leur programme, et pour cause, leur demandent d'arrêter s'ils veulent à nouveau bénéficier de l'aide américaine. L'aide, dans quel domaine là ? Bah, militaire et économique. Ouais. Alors les Pakistanais cèdent ? Apparemment, oui. Pourquoi cette apparemment ? Bah parce qu'ils s'y mettent effectivement un terme à leur production d'uranium enrichi, ils reviennent secrètement à l'autre filière. Ouais, c'est-à-dire la production de plutonium. Oui, et pour cela, ils disposent de l'usine de retraitement construite par la France, mais aussi d'un réacteur à eau lourde édifié, là encore, avec l'aide chinoise. Ils vont donc pouvoir vraiment extraire du plutonium ? Bah, on estime que ces installations ultra-secrètes fournissent, dans les années 90, 15 à 20 kilos de plutonium par an, c'est-à-dire de quoi fabriquer 2 à 3 bombes. Mais je suis persuadé que les Pakistanais, malgré les menaces américaines, n'avaient pas réellement renoncé à la filière de l'uranium enrichi. Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? Les premières bombes nucléaires pakistanaises, expérimentées en 1998, étaient à uranium enrichi, selon les spécialistes qui ont enregistré les traces de ces explosions souterraines. Des tirs qui ont eu lieu... Il faut le rappeler, après que l'Inde a elle-même procédé à des essais nucléaires. Hein. Oui, en mai 1998. Ouais. Les expérimentations pakistanaises se sont déroulées quelques jours seulement après les tirs indiens. La réponse du berger à la bergère. Ah, naturellement. Et c'était l'aboutissement presque naturel de l'aveuglement de l'Occident qui avait sans vergogne disséminé sa technologie nucléaire. Et ouvert la boîte de Pandore. Toutefois, posséder la bombe ne suffit pas. Il faut aussi être capable de la transporter. Et c'est là que nous allons retrouver le diabolique Dr. Khan. Revenons un tout petit peu en arrière. Voici comment, dans la revue Damoclès, Jean-Marie Collin analyse la compétition nucléaire entre le Pakistan et l'Inde dans les années 90. Le Pakistan va tenir pendant la décennie 90 un discours ambigu, certifiant qu'il ne possède pas de dispositif nucléaire complet, mais qu'il est un État nucléaire. Le programme nucléaire pakistanais est fort ambitieux, très coûteux pour ce pays soumis à des sanctions et qui dispose de ressources économiques et technologiques faibles. Pour cette raison, il va tenter de convaincre l'Inde de faire un pas en faveur de la non-prolifération nucléaire en ratifiant ensemble le traité de non-prolifération et en proposant la création d'une zone exempte d'armes nucléaires en Asie du Sud-Est. Ces propositions furent rejetées. Seuls des accords de confiance bilatérales interdisant d'attaquer les installations nucléaires de chacun et la création d'une ligne téléphonique entre les deux hommes forts furent acceptés. 1995, alors que l'Inde prépare un dispositif d'explosion nucléaire, le Pakistan réplique immédiatement en préparant un dispositif identique. Le ministre des Affaires étrangères, Asif Ahmad Ali, explique ainsi la position nucléaire du Pakistan. Si l'Inde veut prouver sa virilité en conduisant un essai nucléaire, nous avons nous aussi la capacité de prouver notre virilité. Le Pakistan refuse de ratifier le 24 septembre 1996 le traité d'interdiction complet d'essais nucléaires, CTBT, et le 25 mai 1998, le Pakistan, en réponse aux tirs indiens, décide de dévoiler sa force nucléaire en procédant à l'explosion de 5 essais. On le trouve dans presque toutes les grandes villes, un monument bizarre représentant un missile sur fond de montagne. C'est dire à quel point les Pakistanais sont fiers d'appartenir à une nation devenue une puissance nucléaire et qui a construit la première bombe musulmane, comme ils le disent eux-mêmes. Nous avons évoqué la semaine passée avec M. X les conditions qui ont permis au Pakistan d'acquérir l'arme nucléaire afin de pouvoir rivaliser avec son voisin et ennemi, l'Inde. Mon interlocuteur a notamment mis en lumière le rôle des grandes puissances dans cette affaire, alors même qu'elles prônent officiellement la non-prolifération nucléaire. Les États-Unis, mais aussi la France, relayés ensuite par la Chine, ont joué les apprentis sorciers en aidant le Pakistan dans cette course à l'atome. Deux grands pays possédant une longue frontière commune et qui sont pratiquement en conflit permanent depuis leur indépendance en 1947 sont donc dotés de l'arme nucléaire et des vecteurs qui permettent de la transporter. Cette dangereuse coexistence sera-t-elle pacifique ? La sagesse l'emportera-t-elle ? Ou bien, un jour, à l'occasion d'un nouvel incident, au Cachemire par exemple, un nouveau docteur Folamour appuiera-t-il sur le bouton nucléaire ? Ce n'est toutefois pas le seul danger. Si l'Inde cède parfois au fanatisme hindou, le Pakistan est aussi traversé par la fièvre intégriste musulmane. Et son président, le général Musharraf, qui règne d'une main de fer, a quand même été victime de plusieurs attentats. Que se passerait-il si les fondamentalistes parvenaient à le renverser ? N'y aurait-il pas un risque de voir des terroristes proches d'Al-Qaïda mettre la main sur une arme nucléaire ? D'autant que celui qu'on appelle le père de la bombe pakistanaise, Abdul Qader Khan, est réputé proche des islamistes. Un étrange personnage qui a non seulement permis à son pays de construire la bombe atomique, mais qui a aussi organisé un véritable marché noir du nucléaire, en toute impunité, car le Dr Khan est devenu un héros dans son propre pays. C'était une scène quasi surréaliste.